gare au Pacalou. Oh, oh, gare au Pacalou. Oh, oh, oh, c'est une espèce de loup, Pacalou, qui travaille chez Spartou. Pacalou, Pacalou, et elle a fait son trou. Pacalou, au retour de Spartou. Gare au Pacalou. Oh, oh, oh, gare au Pacalou. Oh, oh, oh, c'est une espèce de loup, Pacalou. Elle dévore sans tabou. Pacalou, Pacalou, elle les attaque. Coco, Pacalou, les Haribo Croco. Gare au Pacalou. Pacalou, Pacalou, elle est calme, elle s'en fout. Pacalou, mais si tu la secoues, Pacalou, Pacalou, c'est comme le loup-garou. Pacalou, attention, c'est la transformation. Elle va attaquer. Pacalou, colère, te lâche, dénique ta mère. Pacalou, stressé, c'est va te faire enculer. Pacalou, tendu, ça part en trou du cul. Pacalou énervé, espèce de petit fumier. Et Pacalou s'irrite. Hé, toi petite bite. Gare au Pacalou. Ah, ah, ah. Gare au Pacalou. Ah, ah, ah. Il pense mettre Pacalou au retour, mais ce sont les retours qui font séjour depuis toujours dans la tanière de Pacalou. Gare au Pacalou. Ah, ah, ah. Travaille chez Spartou, Pacalou, Pacalou, et elle a fait son trou. Pacalou, au retour de Spartou. Woop! Gare au Pacalou. Oh, oh, oh.